Matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que les Saguenay de Chicoutimi vont honorer ils vont retirer le chandail de Patrice Tremblay dans le cadre du match du 29 décembre. En trois saisons avec les Saguenay de Chicoutimi, Patrice Tremblay a réussi 467 points, a connu des saisons quand même de 76 et 72 ainsi que 77 buts. En entrevue hier sur les ondes de CKJ avec Michel Tifot et Dominique Bolduc, Patrice Tremblay a mentionné évidemment qu'il était honoré d'avoir cet honneur et il rejoint ainsi des grands joueurs comme Guy Carbonneau. Tout mon hockey mineur dans la région, puis on a toujours admiré le Saguenayen. Je me souviens avec Claude Bouchard, mon cousin, on est allé à beaucoup de matchs quand on était plus jeune, puis on a vu les Carbonneau de l'Orme, je veux dire, on en a vu plein jouer. Puis de me retrouver au plafond avec eux autres, là, c'est vraiment spécial. Tremblay, évidemment, souligne les joueurs de centre qui ont joué avec lui, entre autres Stéphane Morin et notre collaborateur Marc Fortier. J'ai les joueurs de centre qui ont été avec moi, je pense à Marc Fortier, je pense à Daniel Maurice, je pense à Stéphane Morin. Ça a été, même à ma première année, Patrick Aymon. Je veux dire, ça a été des joueurs de centre qui m'aidaient beaucoup en me donnant la rondelle. Puis, comme j'ai dit, le positionnement, puis avec un bon lancer rapide, je pense que ça a beaucoup... Patrice Tremblay se dit déçu, par contre, d'avoir perdu en équipe à la finale de la Coupe du Président contre Longueuil en 1987. En équipe, ça a été c'est une déception un peu quand même d'avoir perdu en finale de la Coupe du Président à ma deuxième année en 86-87 contre Longueuil. Mais un accomplissement que je suis encore fier, c'est le trophée Guy Lafleur remis aux joueurs étudiants cette année-là, à ma deuxième année aussi. Donc, c'est des... Je termine maintenant avec du côté du novice. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes catégories. D'abord, à noter que du côté du novice A, gain des Hurricanes de Robert Ball 4-1 sur les Aiglons d'Alma. Également un gain aussi dimanche pour les Patriotes de Saint-Bruno sur les Hurricanes d'Arbeval 3-1. Aussi les Castors de Dolbeau en défend les Bulldogs Saint-Félicien 3-1. Et du côté du Novice B, un gain des Castors de Dolbeau 5-2 sur les Sambres de Robertval. Et aussi à noter que les Éperviers de Normandais en ont mangé toute une 9-0 contre les Sénateurs de Saint-Félicien. Également, les Sénateurs de Saint-Félicien ont défait les Sambres de Robertval 4-2. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Plusieurs entrevues avec plusieurs intervenants du monde du sport. D'abord, on a parlé avec Elliott Lapointe du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini. Je me suis également entretenu aussi avec Stéphane Lebeau. On fait le tour, évidemment, de l'actualité chez le Canadien. Louis Borfiga vient nous parler de Tennis Canada. Il y avait une conférence de presse où on a fait le bilan hier. Et également, Michel Thibault s'est entretenu avec Patrice Tremblay. Et on écoute l'entrevue. Le sport local et régional à DanRadioSport.com.